94.2 Service Compris. L'émission qui vous réveille sur Fadjet. Retour sur l'interview de la matinale de ce mercredi 14 juin en compagnie de Claudine de la MJC de Saint-Nicolas-de-Port. Deux événements au programme, la grande récréation et scène de môme. D'abord de scène de môme qui est un festival de théâtre pour enfants qui a lieu le week-end prochain, qui démarre vendredi soir et qui va se dérouler pendant tout le week-end. D'accord. Avec des points forts, avec des... Et j'espère beaucoup de plaisir pour tout le monde et en particulier pour les mômes qui vont participer à ces spectacles. Bon, alors justement, il va se passer quoi dans ces spectacles pendant ce week-end ? Alors, on va commencer, c'est scène de mômes et on va quand même commencer vendredi par laisser la place aux adultes de la MJC et à leur atelier. Donc, ils vont présenter une pièce vendredi soir. Mm-hmm. Et samedi et dimanche, c'est les mômes qui vont prendre le relais. D'accord. Sauf samedi soir où on aura d'abord des enfants, enfin le collège de Saint-Nicolas qui, depuis un an maintenant, bénéficie d'une salle, d'un atelier théâtre directement. Donc c'est une bonne idée puisqu'on sait que le théâtre mène à tout, on vient de l'avoir... En actualité, on a un président de la République théâtre, donc c'est ça. Je pense que le théâtre peut beaucoup, beaucoup aider les jeunes. Donc cette classe démarrera la soirée et après on aura le groupe PEPS qui est un groupe de musique, un chanteur. Groupe de théâtre, mais j'ai un trou. D'improvisation. Bravo. Voilà. Ah oui, voilà. C'est pour ça qu'ils sont là, les journalistes, hein. Pour être plus au courant que les autres. Donc, pourquoi avoir demandé à un groupe adulte encore de jouer ? Mm-hmm. Eh bien, simplement parce que les enfants, quand ils sont en atelier de théâtre, ils apprennent à travailler sur des textes, des auteurs. Et là, ça va leur donner l'ouverture sur la possibilité que donne aussi le théâtre, c'est de faire des improvisations. Alors donc, pour bien comprendre, scène de môme, c'est deux jours, hein, c'est ça ? Deux jours et demi de théâtre. Alors, une partie donc jouée par des mômes ou des jeunes, une autre par des adultes, c'est ça. Bon, c'est ça. Très bien, ça se passe donc ce week-end du côté de la MJC de Saint-Nicolas-de-Port. C'est où exactement ? Est-ce qu'on peut y venir ? Alors, c'est à l'autre filature, c'est un bâtiment qui a été inauguré l'année dernière, qui est un bâtiment culturel. Mm-hmm. Donc, y a une salle qui n'est pas très grande, mais enfin, où on va se bousculer un peu. Mm-hmm. Et c'est assez facile à trouver dans Saint-Nicolas, quoi. Est-ce qu'on peut réserver ses places avant ? Alors, il est conseillé de réserver les places parce que la salle étant vraiment pas très grande, mm-hmm. eh bien, il y aura priorité pour ceux qui auront réservé. C'est gratuit. Il suffit de téléphoner à la MJC et de réserver ses places. Et s'il reste quelques places, on pourra les donner sur place, mais ce n'est pas garanti parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont déjà réservés. Et voilà. Donc, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Et comme on dirait sur les marchés, ma bonne dame, je vous en fais deux pour le prix d'une. En plus, le week-end prochain, donc dans 10 jours, donc, toujours chez vous, à la MJC Saint-Nicolas-de-Port. Le mois de juin étant toujours beaucoup d'activités, on profite du beau temps. Bien sûr. Beaucoup d'activités au mois de juin. Donc la semaine prochaine, on aura la grande récré. Et la grande récré, c'est plus pour les enfants, là, c'est pour les adultes. C'est la possibilité qu'on donne à des jeunes créateurs de venir nous montrer ce qu'ils savent faire. Et on leur demande également de partager avec le public leurs connaissances. Bon, dis-moi, Claudine, ça marche bien ce truc-là ? Parce que l'an dernier, t'es venu nous voir, c'était la deuxième grande récréation. Oui, là, c'est la troisième. Et a priori, s'il y a une troisième, c'est que ça a bien marché l'an dernier. Oui, ça a bien marché les deux premières années, sans problème. Hein, et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir beaucoup de créateurs en Lorraine. Ouais. Et de pouvoir renouveler et de ne pas avoir toujours les mêmes, quoi. C'est... Alors, du coup, sur la liste des créateurs, bon, il y en a plein. Moi, j'en ai vu plein sur votre site internet. Bon, oui. On retrouvera notre copine Kiki Youplaboum qui était venue avec toi l'an dernier, qui est déjà revenue nous voir cette année ici également. Qui d'autre ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme type, par exemple, de créateurs d'art ou d'objets artisanaux ? Moi, ce que j'ai repéré dans les personnes qui viennent, c'est le jardin de Lilith. qui va nous faire de la savonnerie artisanale. Ah bien. Donc ça c'est nouveau, elle est installée depuis assez peu de temps. Je rappelle que tous les créateurs qui sont sur cette manifestation sont des créateurs qui sont professionnels. C'est l'occasion aussi de leur permettre, pour certains, de se faire connaître un peu, quoi, de pouvoir engager une, comme Kiki Yoblamon, quoi, de Mais pouvoir oui. Engager une activité professionnelle. Et donc voilà. Bah, donc, et puis encore une fois, dans un cadre un peu original, c'est-à-dire que c'est pas uniquement faire découvrir ce qu'on fait, ce qu'on produit, mais c'est en plus le faire avec les gens. Le faire avec le public, ça. Exactement. C'est tout à fait. En plus, comme on a quand même pas mal de créateurs de vêtements, de sacs, de bijoux, et cette année, on a même quelqu'un qui nous fait des accessoires canins. D'accord. Donc il y aura un défilé de mode qui aura lieu le dimanche. Parfait, un défilé de mode sur les arts canins, voilà. C'est génial. Donc ça se passe de chez vous, du côté de la MJC de Saint-Nicolas-de-Port, où précisément ? À la MJC, là. À la MJC, directement. La MJC bénéficie d'un grand parc, donc ouais. Il y a un grand chapiteau qui va arriver. C'est ça. Et qui va s'installer pour permettre à tous ces créateurs d'avoir de la place. Donc ça, c'est samedi 24 et dimanche 25 juin, les horaires de 11h à 19h, le samedi, et de 10h à 18h le dimanche, c'est ça ? Tout à fait. Retrouvez la matinale de Fadjet du lundi au vendredi de 7h à 8h35.